mais tu l'as, d'accord. Non, ce mot-là, c'est pas du tout la bonne tonalité. Bon. Ouais, je tiens. Ouais, moi je l'ai fait facile, moi. J'ai cherché la facilité sur mon synthé. Ce soir, DJ Phil au platine. J'ai un peu bien compris comment ça marche. Attends.